c'est un très bon choix que vous avez fait d'écouter la radio Isanganiro. C'est le rendez-vous de l'édition de la mi-journée en français, tout d'abord l'essentiel. Tous les 21 ministres du gouvernement se sont retrouvés à l'hémicycle de Kigobe ce mardi pour prêter serment. Ils se sont tous engagés à respecter la charte de l'unité nationale et de la constitution devant le numéro 1 Burundi, les deux chambres du parlement réunies en congrès. Francine Ndihokubwa était là et vous donnera les détails tout à l'heure. L'opposition extérieure en exil estime que la communauté est-africaine n'a pas du tout réussi le travail lui confié de résoudre la crise burundaise. Selon Pancras Tshimai, porte-parole de la plateforme de l'opposition extérieure Sénared, le référendum constitutionnel que le Burundi se presse à organiser est un non-événement, vous le suivrez dans ce journal. Un nouveau dépotoir récemment implanté au quartier Gissio, nous sommes en zone Kanyosha de la commune urbaine de Mouha, inquiète la population environnante. Les habitants de ce quartier disent craindre pour leur santé et demandent que le dépotoir soit délogé. Nous sommes mardi et comme à l'accoutumée, vous aurez droit à la chronique santé. Aujourd'hui, notre consoeur Alida Ndaikeza vous parle de la trisomie 21. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans quelques instants. Elini Ben Nibigira présente ce journal, soigneusement mis en ordre par François Kimana. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Je vous le disais tout à l'heure, la communauté est-africaine a échoué son travail de rassembler les Burundais à travers le dialogue. Propos du porte-parole de la plateforme regroupant les membres de l'opposition en exil Sénared, dans un communiqué sorti après une réunion des organes du Sénared tenue en date du 21 et 22 du mois d'avril courant, cette opposition accuse le gouvernement de refuser de répondre à la 5e session de dialogue que devrait tenir le facilitateur en date du 25 avril. Selon Pancras Tshimae, la priorité pour le gouvernement d'organiser le référendum n'apportera aucun avantage pour le pays. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Oban Nyonghuru. Le message était de rappeler l'illégalité et le danger de ce référendum qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et qui enterre la constitution. C'était de démontrer que l'initiative des pays de la communauté est-africaine a lamentablement échoué à conduire les négociations. Nous avons aussi souligné que ces pourparlers vont se terminer en queue de poisson le 17 mai et que la communauté est-africaine doit tirer sa révérence. Ce référendum n'aura d'autres conséquences que de replonger le Burundi dans une guerre civile. Comment replonger le pays dans une guerre, Monsieur Pancras, alors que ce référendum est l'issue du dialogue mené par la commission CNDI? Il serait plutôt plus indiqué, plus juste de dire que c'était après un monologue, pas un dialogue, parce que il faut le souligner, ce référendum n'est pas accepté parce que si vous voyez la torpeur qui est dans ce pays, si vous voyez la frousse qui est dans ce pays par rapport au référendum, ça n'a pas été la volonté du peuple burundais. Et alors, vous disiez qu'il n'y aura plus de 5e session de dialogue et pourtant il y a un communiqué du gouvernement qui disait que le gouvernement répondra bien à d'autres sessions de dialogue à condition que le référendum ait été tenu. Est-ce que le Sénarède ne répondra pas à d'autres sessions de dialogue? Au-delà du 17 mai, après le référendum, il n'y aura plus matière à négociation. Dès lors que l'accord d'Arusha est enterré, plus de matière à négocier dès lors que la constitution est enterrée. Mais le gouvernement confirme que l'esprit d'accord d'Arusha ne va pas être enterré parce que, dit-on, il a été tenu compte dans cette nouvelle constitution. Relisez ce texte, lisez la constitution de 2005. La première phrase, c'est « Vu l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ». Si vous retrouvez cette phrase dans la nouvelle constitution, alors le Sénarède aura menti. Cette phrase n'existe plus dans le préambule. Ici, je me préserve de ressasser toutes les contre-vérités qui violent de façon flagrante l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Si vous trouvez qu'il y a un « oui, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation » dans cette nouvelle constitution, alors le Sénarède aura eu tort. Et à ce sujet, le ministère de l'Intérieur appelle plutôt la population à ne pas prêter oreille aux politiciens qui la manipulent pour leur propre visée. Selon le porte-parole de son ministère assistant du ministre, il est impossible que les politiciens parviennent à 100% à un accord sur la question politique. Terence Nahiraja estime que le dialogue pourra continuer après le rendez-vous référendaire, car selon lui, il n'y a pas que de la constitution qui puisse être l'objet du dialogue. On l'écoute. Le dialogue a toujours existé au Burundi. S'il y a un problème, les Burundis ont la culture de dialoguer, c'était autre problème. Même après le référendum, s'il y a une autre question, elle pourra être dialoguée, mais cela ne signifie pas, ça n'implique pas justement la révision ou le changement du cadre légal qui régit le pays. C'est pourquoi, en fait, pour moi, je ne comprenais pas ce que c'est le dialogue. Le dialogue, c'est échanger sur une question et trouver une solution, mais ce n'est pas toujours changer le cadre légal, sinon la loi fondamentale. Et cette question, selon ces politiciens qui sont à l'extérieur, c'est le référendum de la Constitution. Est-ce que le gouvernement n'est pas disposé, justement, comme il le demande, de dialoguer avec eux avant cette date du 17 mai? Et souvenez-vous qu'en fait, ce qui va se faire le 17 mai, c'est la mise en application, sinon la concrétisation de la requête de la population lors du dialogue inter-Burundi qui a été conduit par la CNDI. Mais seulement, ces radicaux extérieurs n'ont jamais voulu que le gouvernement qui existe aujourd'hui continue. Et on ne sait pas pourquoi, mais ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, en tout cas, il est conforme à la loi. L'opposition à l'extérieur trouvait que si jamais la Constitution est votée, le dialogue n'aura plus raison d'être et il menace d'emprunter d'autres voies. Au gouvernement, vous n'êtes pas inquiété? Ils ont choisi la voie de la violence, ils l'ont démontré le 13 mai 2015. Donc, je leur ai demandé de changer de comportement, de laisser ces mauvaises intentions de créer le désordre dans le pays et d'accepter la démocratie et de venir faire la compétition sur le terrain et gagner si une fois le peuple le décide. Terence Nahiraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, au micro de notre confrère Joseph Sabiaban, toujours la page politique. Le parti PDZ Gami Banga dit avoir accueilli favorablement le décret présidentiel portant ouverture de la campagne pour le référendum constitutionnel. Kassim Abdoul, président de son parti, fait savoir que sa formation politique est prête à battre la campagne dans le respect de la loi. Il demande cependant aux organes d'habilité d'exécuter ce décret fidèlement. Suivez-le. Le parti PDZ Gami Banga a accueilli favorablement le décret, surtout que les membres du parti étaient déjà préparés à participer au référendum. Donc, pour la date du 1er mai, nous sommes disposés à participer à la campagne électorale. Ce décret prévoit également des sanctions si une fois vous passez outre certains articles. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti PDZ Gami Banga se sent très rassuré par rapport à ces sanctions? Les sanctions qui sont reprises dans ce décret sont celles qui sont mentionné dans le code électoral. Donc, pour nous, ce sont des infractions qui ne pourront pas être commises par nos membres. Principalement, si vous regardez, ce sont des infractions qui sont en rapport avec les injures et les diffamations. L'autre délit, c'est celle qui concerne les campagnes en dehors des heures réglementaires. Je crois que là, on va s'atteler à ce qu'on puisse respecter ces heures de 6h à 18h. Je crois que c'est un temps amplement suffisant pour la journée. Le parti PDZ Gami Banga peut demander quoi aux organes chargés de mettre en application ce décret? Nous demandons d'abord à l'administration d'être à l'écoute de tous les partis politiques, de tout le monde, laisser le champ libre à tous les partis, à tous qui voudront faire leur propre campagne, de disponibiliser les terrains et de laisser tout le monde bénéficier de ces terrains. L'autre chose, c'est que nous demandons aux forces de l'ordre de protéger tout le monde. On ne peut pas oublier aussi de demander aux médias de nous aider dans nos meetings pour que même ceux qui n'auront pas pu participer dans les meetings puissent entendre le message qu'on aura lancé. Même son de cloche au sein de la coalition Amizero Yabarundi, Pierre-Célestin Dikoumana, président du groupe parlementaire de cette coalition, demande aux organes chargés de mettre en exécution ce décret du président Pierre Nkurunziza de le faire avec sagesse. Je vous propose de le suivre. C'est un décret quand même qu'on peut apprécier positivement en ce sens que c'est un décret qui donne liberté à tout le monde, qui donne les mêmes droits à tout le monde. C'est un décret qui reconnaît quand même qu'il y aura des partisans du oui et des partisans du non. C'est un décret qui donne ouverture à tout le monde d'avoir les mêmes droits. Mais aujourd'hui, ce décret prévoit également des sanctions s'il y a des imperfections. Est-ce qu'aujourd'hui, la coalition Amizero Yabarundi s'est vue préparée pour ne pas tomber dans ces imperfections? Nous, dans notre habitude, nous sommes toujours pour le respect de la loi. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, la loi burundaise ne cause aucun problème. Tous les textes de loi au Burundi, excepté certains bien sûr, mais la plupart des textes de loi au Burundi sont bien faits et bien orientés. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est la mise en application de ces textes de loi. Là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et bien évidemment, il ne faut pas qu'on poursuive quelqu'un quand l'autre, soi-disant peut-être du parti au pouvoir, ne s'inquiète de rien. Mais je dois aussi nuancer parce que les amendes qu'on peut appliquer, il faut voir et il faut bien apprécier le genre d'infraction. Il ne faut pas qu'il y ait des montages ou des quoi. Qu'est-ce que vous demandez à l'endroit des organes qui seront chargés d'exécuter ce décret présidentiel? Ce que nous demandons, c'est d'abord, disait, de la sagesse quant à l'interprétation de ce décret et d'avoir de bonne foi pour la mise en application, pour faire respecter ce décret. Il faut qu'il soit respecté pour tous, mais aussi il faut que les autres textes de loi qui donnent des lignes directives pour notre pays soient respectés pour le bien de tous, pour que la campagne se passe bien et que tout le monde se sente libre d'exprimer sa position par rapport au référendum. Pierre-Célestin Dikoumana qui s'entretenait avec Placide Niyomwongere. On va marquer une courte pause et on revient pour parler de l'économie. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais, certains commerçants du marché provisoire de Djawé à mairie de Bujumbura se plaignent que leurs activités sont perturbées par les eaux qui envahissent leurs stands lors des précipitations. Ils demandent le retour dans l'ancien marché fraîchement réhabilité le plus tôt possible. Mireille Naomi Nitegeka, stagiaire à la radio Isanganiro, s'est rendue sur les lieux. Voici son reportage. En arrivant au marché provisoire de Djawé, la première question que l'on se pose, c'est où mettre le pied, surtout en période de pluie car la boue jonche les voies de circulation entre les stands. Cette commerçante se plaigne que quand la pluie tombe, leurs stands sont envahis par les eaux. Lorsqu'il pleut, dans son marché, les clients ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas par où passer. L'eau envahit nos stands et il y a beaucoup de la boue. Nous demandons que les travaux de construction s'achèvent afin de nous réintégrer dans le nouveau marché. Du côté des clients, c'est la même indignation. Cette femme trouvait sur place et dénonce que les usagers de ce marché n'ont pas où s'abriter quand la pluie tombe. Dans cette saison pluvieuse, nous avons des difficultés d'entrer dans ce marché parce que la boue bloque la circulation. Nous ne trouvons pas facilement l'endroit où s'abriter. Nous voudrions la réouverture de l'ancien marché dans les meilleurs délais. Pour arriver ici, ils nous font deux taxis-vélos parce que c'est loin. Les commerçants et les clients continuent à endurer cette situation alors que la mairie de Bujumbura avait promis que l'ancien marché de Djawé allait recommencer à être fonctionnel avant la fin de ce mois. Les usagers du marché provisoire souhaitent la fin des travaux de réhabilitation au plus vite. Merci Naomi. Et revenons en page politique. Prestation de serment ce mardi à l'hémicycle de Kigobe, de nouveaux membres du gouvernement burundais. Devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies, 21 ministres ont juré fidélité à la Charte de l'Unité Nationale, à la Constitution et à la loi, ont également prêté serment de nouveaux membres de la Cour spéciale des terres et autres biens, Francine Dihokoukaï. Devant le président de la République, devant le Parlement, moi, Alain Dihokoukaï, moi, Ezekiel Nibigira, moi, Jean-Claude Kagayo, je jure. Devant le président de la République et le Parlement, ils jurent fidélité à la Charte de l'Unité Nationale, à la Constitution du Burundi et à la loi. 21 ministres, dont 6 femmes, ont prêté serment ce mardi. La nouvelle équipe gouvernementale est composée d'anciens ministres avec des ministères restructurés et de 5 nouveaux membres. Il s'agit du docteur Tadende Dikoumana, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, ambassadeur Ezekiel Nibigida à la tête du ministère des Affaires étrangères, honorable Evelyne Butoyi, ministre de la Jeunesse et des sports et des technologies de l'information, Gaspard Banyangimbona, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Jean-Marie Niokindi, chargé du commerce, de l'industrie et du tourisme. Deux autres personnes ont également prêté serment ce mardi. Il s'agit de Josiane Habonimana et Isaac Sabouanga, nouveaux membres de la Cour spéciale des terres et autres biens. Différentes autorités, dont les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, ont pris part à ces cérémonies de prestation de serment. Merci Francine Ndihokouvgaï. Page droit de l'homme, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, dit être préoccupée par la manière dont la campagne de retrait des enfants en situation de rue et des mendiants est pour le moment exécutée. Dans un communiqué sorti ce mardi, la FENADEB estime que 450 personnes, dont 48 adultes et 402 enfants, ont été déjà raflés par la police en mairie de Bujumbura et dans certaines provinces. Cette fédération déplore les conditions d'hygiène et une alimentation insuffisante dans les centres d'hébergement temporaires. Le président de la FENADEB considère que la feuille de route arrêtée l'année passée prévoyant la réunification familiale comme préalable à la réinsertion n'a pas été respectée. Maître Jacques Chimilimana tient l'attention du gouvernement et de tous les acteurs dans ce domaine sur la nécessité de la concertation de toutes les parties prenantes et sur le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Plus de 20 Burundais ont été arrêtés la semaine passée dans la capitale kényane et sont aujourd'hui incarcérés à la police dans la capitale Nairobi. Rémi Baramama, ambassadeur du Burundi au Kenya, précise que les enquêtes sont en cours pour déterminer si ce sont des Burundais ayant des documents dûment délivrés par la police de l'air et des frontières, PAF. Il souligne en outre qu'elles sont au nombre de 29 et que deux autres personnes, dont un Burundais du nom de Bigirimana Hassan, ont également été arrêtés. Suivez l'ambassadeur Rémi Baramama, joint au téléphone par notre consoeur Mireille Kanyangé. Pour le moment, les 29 personnes sont incarcérées à la police de Parkland, où elles restent là en attendant qu'elles soient traduites au niveau du tribunal. Nous nous attendons que l'on puisse mettre à notre disposition les passeports de ces 29 personnes pour que l'on puisse vérifier si réellement ces passeports sont livrés par la PAF, sont réels. Deuxièmement, pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a des visas dans ces passeports et à partir des visas, on saura exactement quelle était la destination de ces personnes. La première étape régissant la communauté est-africaine, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Est-ce que l'arrestation de ces Burundais ne va pas à l'encontre de cette première étape de l'EAC? De prime abord, on peut penser que exactement cela va à l'encontre de ces textes régissant la communauté est-africaine. Cependant, comme il est notoirement connu qu'il est interdit à travers le monde entier le trafic humain, et aussi longtemps que ces personnes, ces 29 personnes ont été arrêtées avec deux autres qui sont supposés des commissionnaires reconnus dans ce trafic humain, dans ce cas, s'il s'avère que les passeports contiennent des visas à destination d'Arabie Saoudite, d'Oman, etc., et que ces deux personnes qui les avaient regroupées sont reconnues comme telles, dans ce cas, c'est logique de les arrêter. C'est pour décourager, pour démanteler le réseau de ce trafic humain. Si vous trouvez que ce sont des Burundaises, êtes-vous prêt à les laisser continuer le chemin vers les pays arabes ou les faire entrer au pays? Dans ce cas, il y a deux cas qui peuvent apparaître. Premier cas, si ces Burundaises exactement détiennent des passeports dûment délivrés par la PAF et que réellement au niveau de ces passeports, il est mentionné les visas prouvant la destination finale vers l'Arabie Saoudite ou l'Oman, l'ambassade, de commun accord avec les autorités kenyanes, vont pouvoir rapatrier ces gens, ces personnes au Burundi. Deuxième côté, s'il s'avère que ces personnes détiennent des passeports dûment délivrés par la PAF et sans des visas au sein de ces passeports qui prouvent la destination finale, eh bien, il est facile que ces personnes disent que voilà, nous usons de la libre circulation au sein de la communauté africaine, on s'était dirigé vers le Kenya et dans ce cas, je ne pourrais pas me déterminer là-dessus. Ensemble avec toujours les autorités kenyanes, on peut aussi prendre une autre décision. Rémi Baramama, ambassadeur burundais au Kenya. Page société, les habitants du quartier Gissu en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura craignent pour leur santé suite à un nouveau dépotoir implanté dans cette partie du sud de la capitale. Ce dernier était jadis à Buterere au nord de la capitale avant que l'autorité municipale ait pris cette décision. Ces habitants de Gissio demandent que ce dépotoir soit placé loin des maisons d'habitation. Les détails, c'est dans son reportage d'Evariste Ndikobanyang. Arrivé au quartier Gissio, où l'autorité municipale a décidé d'implanter un nouveau dépotoir en remplacement provisoire de celui de Buterere, l'on est accueilli par des odeurs nauséabondes et des mouches. Ceux qui vivent près de ce dépotoir indiquent qu'ils craignent pour leur santé. Nous sommes menacés par ces odeurs nauséabondes. Partout dans les maisons, des mouches font état de leur présence dans des assiettes, y compris nous vivons sans paix. Ce dépotoir constitue une menace et à ceux qui ne dorment pas dans leur maison. Les enfants souffrent déjà des dermatoses. Il y a des insectes qui nous piquent, surtout quand les camions amènent ces déchets. Nous n'avons pas de la paix à cause de ce dépotoir. Il y a beaucoup de mouches, les maisons restent fermées, nous ne pouvons même pas accueillir des visiteurs. À partir de 12 heures, c'est vraiment le quart vert. Nous ne pouvons même pas prendre prendre. Ces habitants qui disent avoir été dépassés demandent à ceux qui ont pris cette décision de la revoir. L'idéal serait d'implanter ce dépotoir dans un lieu se trouvant loin des maisons d'habitation. Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de mettre ce dépotoir ici. Mais l'idéal serait de le mettre loin de la population. Ici, nous n'en avons pas besoin. Quand on donne la paix, car des maladies peuvent nous attaquer. Il faut que l'on ferme ce dépotoir. Cette sonnette d'alarme intervient après la visite de l'ombudsman burundais accompagné par l'autorité municipale pour s'inquiéter de la situation. Le député Edouard Nduimana a tranquillisé cette population de Guissio. Il a annoncé l'accélération des travaux d'aménagement de Buterere afin que ces déchets soient versés de nouveau à cet ancien dépotoir. Merci Evariste Ndikobanyanga. Avant-dernier élément de ce journal, le fait qu'il y a certains cadres du ministère de l'Eau et de l'Énergie et Mines qui n'assurent pas correctement les responsabilités leur assignées, c'est la raison pour laquelle une formation patriotique a été organisée ce mardi à l'endroit des hauts cadres chefs de différents services de ce ministère. Comme elle indique Laurent Bonihanghouye, assistant du ministre de l'Hydroélectrique, de l'Énergie et Mines, à la fin de cette formation, les responsables auront acquis des connaissances qui leur permettront de bien faire leur travail. Suivez-le. Les participants sont les hauts cadres et les cadres du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Ceux-là sont appelés à remplir des fonctions très différentes, mais aussi sont appelés à être responsables là où ils sont. Il se peut qu'il y ait certains d'entre eux qui voudraient améliorer, à qui on a vu qu'il faut qu'ils améliorent leurs prestations. C'est pourquoi nous avons choisi comme participants, comme bénéficiaires, ces hauts cadres de notre ministère. Bon, à la fin de cette formation, comme nous avons un objectif, nous attendons à ce que chaque responsable qui a participé, qui a reçu cette formation patriotique, puisse vaquer à ses activités, puisse remplir ses fonctions auxquelles il est appelé à satisfaire, de bien faire son travail. Surtout, vous avez vu, comme le thème le montre, vous savez qu'il y a des thèmes qui parlent de la corruption, du respect de la chose publique. Nous attendons que nos responsables, à la fin, aient acquis une formation qui les aide à bien faire leur travail. Radio Isanganiro Chronique. Je vous l'avais dit, la chronique d'aujourd'hui, de ce mardi, vous parle de la trisomie 21. La trisomie 21 est une malformation qui s'attaque à un enfant étant encore dans le ventre de sa mère. Cela est dit par Dr Amélie Nijimbele, pédiatre. Elle indique que cette maladie est due à un accident génétique qui arrive lors de la formation du fœtus. Dr Nijimbele ajoute également qu'une prise en charge des trisomiques est nécessaire vu que cette maladie n'est pas curable. Chronique santé d'aujourd'hui avec Alida Ndaïkete. La trisomie 21 est une malformation résultant d'un accident génétique chez l'enfant étant encore au sein de sa mère. Cela est dit par Dr Amélie Nijimbele, pédiatre. Elle indique que cet accident survient au 21e chromosome, d'où le nom de trisomie 21. Dr Amélie Nijimbele précise que n'importe qui peut avoir un enfant trisomique, mais que les personnes à risque sont les femmes d'un âge compris entre 21 et 35 ans. La trisomie 21 est une anomalie génétique. C'est un accident génétique qui arrive dès la création de l'enfant. Surtout chez les mamans qui conçoivent leurs enfants avant 21 ans ou après 35 ans. C'est un accident génétique, je précise bien, parce que même dans l'âge normal de faire des enfants, cet accident peut arriver. C'est rare, mais c'est fréquent avant 21, c'est fréquent après 35. Mais même après 35 ans, il y a des mamans qui mettent des enfants tout à fait normaux. Donc, ce sont des accidents. Il y a quelques symptômes qui peuvent montrer qu'un enfant est trisomique, comme une anomalie morphologique. Cela est expliqué par Dr Amélie Nijimbele. Et l'enfant naît avec une anomalie morphologique prédominant surtout au niveau du visage, au niveau du cou et au niveau du tronc. Ce sont des enfants qui ont une anomalie des yeux, une anomalie du cou, mais aussi qui ont ce qu'on appelle une hypotonie axiale. Ce sont des enfants après qui sont en retard par rapport aux autres. Ils ont un retard psychomoteur, ils marchent très tard, ils ont une intelligence retardée et une intelligence, je dirais, insuffisante pour pouvoir se débrouiller normalement dans la société. Docteur Amélie, pédiatre, fait savoir que la trisomie 21 ne peut pas être traitée, mais que ce qui est nécessaire, c'est la prise en charge des trisomiques. il n'y a aucun traitement pour que l'enfant ne soit plus. S'il est trisomique, il n'y a pas de traitement. On ne peut pas le changer. Mais on peut l'appareiller en l'aidant progressivement, en s'occupant de lui petit à petit. On le fait soigner à temps, on l'entretient mieux que les autres, on l'encadre, on essaye de l'aider à se développer au niveau psychomoteur tout doucement. Et il finit par faire quelques acquisitions parce que c'est une anomalie fixe. C'est-à-dire la trisomie 21 n'évolue pas. L'anomalie est fixe. Ce sont des enfants qui nécessitent un suivi particulier, un encadrement particulier aussi, pour qu'ils puissent servir à quelque chose. Docteur Amélie Nijimbele, pédiatre, précise que dans les pays développés, un examen peut y être fait pour déterminer si l'enfant naîtra trisomique. Pour ce docteur, le résultat positif permettra à la mère de se préparer psychologiquement à l'accueil de cet enfant trisomique. Merci Alida Ndaïkeza. Nous arrivons à bon port, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci également à François Kimana qui a méticuleusement mis en onde ce journal. Elini Ben Nibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.